Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. À l'été 1964, Jean-Marie Serrault met en scène une pièce d'Aimé Césaire, La tragédie du roi Christophe. Cette pièce, montée pendant le festival de Salzbourg, est reprise à l'Odéon en 1965 et elle est jouée ensuite dans le monde entier. Congo, l'impétueux colibri dans la tumulure du Datura. Je me suis toujours émerveillé qu'un corps si frêle puisse sans éclater supporter le pas de charge de ce cœur qui bat. Aimé Césaire est alors reconnu comme un grand poète noir. Il est de ceux qui ont imposé le concept de négritude. Durant les années 30, à Paris, il a étudié avec des étudiants africains, comme Léopold Sédar Senghor ou Guyanais, comme le poète Léon Gontran Dalmas. Avec eux, il fréquente le salon littéraire de Paulette Nardal, première femme étudiante noire à la Sorbonne. Il rencontre les artistes de la Harlem Renaissance, comme Langston Hughes ou Claude McKay, ces artistes noirs américains qui trouvent alors en Europe une société moins raciste et ségrégationniste qu'aux États-Unis et proclament déjà leur fierté d'être noirs. Césaire et ses amis créent alors le concept de négritude, apparu pour la première fois dans un article de leur journal « L'étudiant noir ». Face au colonialisme français qui nie leur culture, ils affirment, je cite, « une communauté d'oppression subie, une communauté d'exclusion imposée, une communauté de discrimination profonde, communauté aussi de résistance continue, de lutte opiniâtre pour la liberté et d'indomptable espérance. » C'est vrai qu'il y a chez moi une quête qui est la quête de l'être. Et cette quête, je l'opère par l'instrument du mot. La négritude, selon Césaire, est d'abord une attitude, elle est culturelle avant d'être politique. Mais les deux sont liés. Césaire est député de la Martinique de 1945 à 1993 et maire de Fort-de-France jusqu'en 2001. C'est un inlassable contempteur du colonialisme qu'il n'hésite pas à comparer au nazisme dans son discours sur le colonialisme de 1950. Quelques années plus tard, Frantz Fanon, préfacé par Sartre avec Les damnés de la Terre, ira encore plus loin. La tragédie du roi Christophe a pour trame un des épisodes qui ont suivi l'indépendance d'Haïti. Après l'exil en France en 1802 de Toussaint Louverture, premier dirigeant de cette nouvelle République noire, Jacques Dessalines contraint les Français à abandonner l'île et se proclame empereur. Pour Césaire, la question centrale est celle de l'identité. Le roi Christophe veut transformer ses sujets, anciens esclaves, exclus de la vie politique, en une nation indépendante. « J'ai voulu leur donner la fin et le modèle de la perfection », dit-il. Il échoue, car il ne sait que dupliquer le modèle de la société blanche traditionnelle. Christophe se fait roi, recrée une noblesse, fait construire un palais et impose par la force ses décisions. Aimé Césaire conçoit cette tragédie au cœur du grand mouvement mondial de décolonisation qui touche en particulier l'Afrique francophone. Il en connaît les dirigeants pour avoir milité avec eux et sans tirer de morale, il propose une réflexion sur l'exercice du pouvoir et ses limites, dans le moment où l'ancien colonisé se retrouve responsable et doit définir pour son pays les lignes de nouvelles formes de relations sociales et politiques. Christophe est un personnage symbolique de la condition de l'homme noir pour se libérer de l'ordre colonial. C'est l'illustration que la négritude doit aussi s'incarner dans l'action. Les générations suivantes d'écrivains antillais prennent leur distance avec ce concept, la négritude, en mettant davantage l'accent sur leurs conditions de créole. Pour Édouard Glissant, par exemple, la créolisation est un mélange de cultures dont les conséquences sont imprévisibles, imprédictibles. Elle garantit et conserve les éléments distincts qui la composent, mais n'établit pas de hiérarchie entre ces éléments. Patrick Chamoiseau complète, je le cite, « L'idée du métissage signifie que je n'ai pas à me cantonner dans les seuls éléments de ma culture, mais que toutes les richesses des humanités sont à ma portée. On ne renonce absolument à rien, on valorise tout, dans une disponibilité à toutes les richesses produites par l'espèce. En tout cas, tous conservent une grande estime envers Césaire, qui fut parmi les premiers à se dresser avec fierté pour assumer sa condition d'écrivain noir. Le nègre fondamental, ainsi le qualifiait avec admiration André Breton. »